Je descends chez moi, je suis mal luné. Le pilon rallumé. Et mon regard en dit non, ma journée, je vais l'annuler. Je suis un rager, je suis un homme. Faut que je ramène au moins la maille. Quitte à supporter le froid du matin, t'as 5 heures du mois. La journée, je taffe comme un oisif. Petit con me fait pas chier. T'imagines pas le poids que je porte sur mes épaules d'Apache. J'ai un petit fond de Nesbitt. Je suis au taf assez tôt. Je connais rien de sûr à part la mort et puis les âmes. Et la routine me prend la tête. Métro, boulot, ghetto, pédo, je m'arrête pas. Je m'arrête au bar, claquer tout le bénef de la veille. La taille au goulot, je traîne au boulot, je traîne au goulag. Et la routine me prend la tête. Métro, boulot, ghetto, pédo, je m'arrête pas. Je m'arrête au bar, claquer tout le bénef de la veille. La taille au goulot, je traîne au boulot, je traîne au goulag. Demain, je monte terrain sur la lune. En feu, mettez ma plume. Ramener des loves, ça va me rassurer la thune. Terrain sur la lune. En feu, mettez ma plume. Tu l'offres, ça va la rassurer, ma pute. Et la routine me prend la tête. Métro, boulot, ghetto, bédo, j'm'arrête pas, j'm'arrête au bar. Pas de faux débat, personne sépare, personne zébi, m'arrête pas. Toute la matinée m'arrête pas, a bien compris combien j'suis bad. J'ai commencé par toutes vos rumeurs, commencez pas. Commencez bête pour une parole, comment s'équipe. 4-4 AK soviétique, ouais, comme ça c'est dit. J'veux pas qu'on m'assimile, j'entends sa voix se casser, c'est impossible. Et la routine me prend la tête. Métro, boulot, ghetto, pédo, j'm'arrête pas. J'm'arrête au bar, claquer tout le bénef de la veille. La taille au goulot, j'traîne au boulot, j'traîne au goulag. Et la routine me prend la tête. Métro, boulot, ghetto, pédo, j'm'arrête pas.